La nuit, lorsqu'il n'y a aucun éclairage, je dois rouler en feu de route. Mais la puissance de ces feux éblouit. C'est pourquoi, lorsque je croise ou que je suis derrière un autre usager, il est impératif que je revienne en feu de croisement. Les feux de position sont à proscrire. Leur faible puissance ne permet pas de voir, à peine à être vu. Réponse B.